de tous les chapiteaux du monde. Dans l'esprit de l'homme et dans chacun de ses rires. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour. Buenas noches. Bonjour. Hello. Bye. Buenas tardes. Merci beaucoup. Au revoir des amis. Muchas gracias. Good morning. Bonjour. Merci. Merci. Thank you very much. Thank you. Pasan los trenes. Emiliano, el paraíso de los niños. Ouais, le Mexique, c'est le paradis des enfants. Emiliano, los niños. Ah, c'est pas à soir. C'est pas à soir qu'on va faire sauter un train. Les enfants, ils sont allergiques à la dynamite. Tiens. Non, non. La dynamite, non. Oh, non, au kiff. Tu vas avoir un au kiff? Si. Abre-la. Les trains, c'est fait pour rouler. C'est pas fait pour les révolutions. Quel train? Je sais pas. Tu te rappelles-tu quel train qu'il fallait faire sauter? Non. De quel côté s'en va le train? Tiens, j'en ai un autre qui s'en vient. Si. Oh. Ah ben celui-là non plus, il sautera pas. Non. Passe-moi un autre kiff. Hey, hey! Échappe-la pas à la traque! Non! Emiliano, la révolution! Quelle révolution! La seule révolution, c'est le combat contre la mort.

ils ne sont pas descendus sur la carte. C'est à cause des neiges qu'on les a vus. Dans le ventre des moutons qui durent le temps du gazon des montagnes qu'ils sucent. Ne te dira jamais que t'es en retard. On te remerciera d'avoir permis de rester seul dans ton décor. Oui, ils sont débarqués dans les Pyrénées. Un laser dans les yeux. Que je joue l'amour et l'enfer. C'est comme ça que ça commençait. Donc, notre émission, évidemment, Claude Péloquin, qui est décédé le 25 novembre à 76 ans. Lui qui était né à Montréal en 1942, il s'est éteint dans la même ville en 2018. Évidemment, certaines de ses chansons sont beaucoup plus connues que d'autres. Lindbergh, qu'on a fait jouer au tout début, c'est un hymne québécois, pratiquement. Remarquable travail de Louise Forestier, d'ailleurs, sur cette chanson. Ensuite, on est passé à l'hymne international des clowns sur Péloquin Sauvageau. Laissez-nous vous embrasser où vous avez mal. C'est un album qui tire dans plusieurs directions. Et il y a beaucoup de choses très, très bonnes dans cet album. Et entre autres, il y a plein de sons de la machine à Sauvageau que sur lequel on devrait aller lire plus et dont on devrait parler un peu plus régulièrement. La machine à Sauvageau, qui est comme l'ancêtre des synthétiseurs dans les premiers, et les premiers synthétiseurs polyphoniques aussi. Ensuite, on est passé à Emiliano, où est-ce qu'on s'en va faire la révolution. La révolution avec Emiliano, mais en prenant de la bière un peu, toujours sur « Laissez-nous vous embrasser ou vous avez mal ». Puis « Down the Drain », je ne sais pas si Jean-Philippe avait une pensée pour Donald Trump à ce moment-là. Mais donc on a eu la pièce Down the Drain, toujours sur Laissez-nous vous embrasser où vous avez mal, et Les Grands Silencieux terminaient toujours sur le même album, terminaient le bloc toujours de Péloquin et Sauvageau. Évidemment, moi je me souviens la première fois où je suis allé au Grand Théâtre de Québec, puis que j'ai vu la murale de Jordi Bonnet, puis que j'ai vu Vous êtes pas écœuré de vous rire, bande de cave, je me suis beaucoup interrogé sur cette phrase. Puis j'ai toujours pas trouvé vraiment son sens exact. Et je n'en suis pas sûr. Quand j'étais petit, je l'aimais pas, la phrase. Un peu plus tard, j'ai trouvé ça intéressant. Puis ensuite, moins. Puis maintenant, j'ai plus d'opinion. Puis un de ces jours, j'aurai à nouveau une opinion. Et à ce moment-là, je vous appellerai tous individuellement. Évidemment, il a fait un retour à un moment donné... avec Robert Charlebois en 85 sur Superposition, qui n'a pas été un si grand succès. Il y avait quelques chansons un peu drôles, comme C'est pas physique, c'est électrique, qu'on a entendu à la radio à plusieurs reprises. Il est allé vivre aux Bahamas, il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ils ont fait Tout le monde au ciel, ils ont fait une relecture un peu de certaines de ses pièces et une relecture techno de Lindbergh, mais ça aussi, c'est juste un succès d'estime. Par moment, il était un peu déçu de sa carrière, mais il y avait quand même de beaux souvenirs à y avoir là-dedans. Il y avait eu l'épisode avec Guy la Liberté aussi, où est-ce que finalement il a décidé de laisser, de pas laisser ses, les droits de son poème à Guy la Liberté. Et Claude Péloquin s'y connaissait en droit, pour les droits d'auteur et tout ça, parce qu'il faisait beaucoup de trucs corporatifs aussi, alors des éloges de différentes façons. Claude Péloquin, beaucoup de bons trucs aussi, quelques trucs plus ordinaires, mais dans une aussi longue carrière, cela arrive. Et puis après ça, on va aller du côté de l'horreur. Toutes les fois que ça se produit, tu te dis qu'assurément c'est l'amour. Mais non, non. C'est la mort. Le sang. Tu n'échapperas pas à ce cauchemar sans moi. Et je n'y échapperai pas sans toi. Depuis si longtemps, j'attendais ta venue, Irena. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. T'es trouvé, je ne veux pas te laisser partir. Thank you. coin de rue, une enfant, belle, très belle, très belle. Quelque part dans la ville, elle et moi. Qui se donne à n'en plus finir. l'amour. Elle et moi. Oh, Peur, hein? Avec les échangeurs d'air, comme ça, avec le bloc qui se terminait par Biomutanten des Vampirettes, c'est Holger Zucker et Connie Plank sur l'album des Vampirettes de 1981. Parfois, on a mis du Holger Zucker, des tunes joyeuses. Là, ben, évidemment, on rigole dans les Vampirettes. On fait un petit peu semblant, quand même, à mon avis. Alors, il est avec Connie Plank qui a travaillé avec tellement de monde qu'on peut plus les nommer. Holger Zucker aussi. Holger Zucker qui a étudié avec Karl-Heinz Stockhausen. Et là, lorsque je fais la liste des gens qui ont travaillé avec Karl-Heinz Stockhausen, ce que je veux savoir, c'est qu'il y avait combien d'élèves par classe? Parce qu'il devait y en avoir quelques-uns quand même. Ou simplement que Jean-Philippe aime beaucoup les anciens élèves de Karl-Heinz Stockhausen, parce que ça arrive très souvent qu'on mentionne que la personne a été élève de Karl-Heinz Stockhausen. Oh, c'est moi qui le dis, je dis Jean-Philippe, qui essaie de se défendre. Avant ça, nous avions Vampire Comes de Christophe Comédan, qui est la bande originale du film Le Bal des Vampires. Excellent film, d'ailleurs, Le Bal des Vampires. Si vous avez peur en écoutant Le Bal des Vampires, c'est que vous avez quand même un petit problème. Il a fait beaucoup de musique de film, notre ami Christophe Comédan, qui s'appelait Christophe... Alors, ça, j'aime toujours ça. Ça, c'est la beauté du polonais. T-R-Z-C-I-N-S-K-I. Trzinski. Voilà, c'est ce que je décrète comme ça. Il est mort très jeune d'un accident bête, semble-t-il, après une nuit d'ivresse à Los Angeles. Puis il est quand même allé retourner mourir à Varsovie. Mais je ne sais pas dans quel état il était. Puis on ne sait pas exactement quel genre d'accident il y a eu. Il étudiait en médecine, puis il se cachait sous un nom d'emprunt pour faire de la musique. Parce que c'était à peu près le premier jazzman polonais, vraiment jouer du jazz en Pologne. Tout ça, et j'ai fait plein de musique de films, dont beaucoup pour Roman Polanski. Avant ça, The Flying Lizards, qui nous faisait The Window, pardon, sur The Flying Lizards de 1979. Évidemment, c'est un projet de David Cunningham, qui a... Où es-tu? Ah, voilà, mon cher David, dans lequel il y a eu beaucoup de monde qui sont passés. En fait, c'est un projet à lui, mais dans lequel il invitait toutes sortes de monde, de Steve Beresford, Robert Fripp, Vivian Goldman, Patty Paladin, tout ça. Souvent, il voulait avoir une chanteuse avec quelque chose de spécial, ce qu'on peut obtenir facilement avec Vivian Goldman ou Patty Paladin. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées comme ça. Beaucoup de bonnes choses chez Flying Lizard, un groupe qui n'a pas existé si longtemps et qui n'a pas produit tant que ça. Mais quand même, parce que M. Cunningham avait d'autres projets aussi. Mais ce qu'ils ont fait est plutôt sympathique. François Droubet nous faisait le récit des tortures et des vampires sur le film Les Lèvres Rouges de 71. Alors, François Droubet, on en met assez régulièrement, qui a fait de la musique du Vieux Fusil, entre autres. Et c'est très intéressant parce que dans ce film-là, tourné en Belgique, on a Daniel Wiman. Oui, c'est ça qui joue le rôle d'une personne qui s'appelle Valérie. Aussi. Alors, je sais, j'ai pas regardé les dates. Valérie était déjà sortie ici. Peut-être que c'est juste comme ça pour rire qu'ils ont remis ce nom, ce prénom de Valérie. Alors, c'est un film d'horreur avec une méchante baronne hongroise qui boit le sang de jeunes filles. Et il y a toutes sortes de monde. Donc, il y a quelque chose d'un peu drôle. Il y a Françoise Hardy, directrice artistique. Et si on va sur Wikipédia, il n'existe pas d'article Françoise Hardy, directrice artistique. Mais est-ce la même? Il y a bien des chances. Je vais aller vérifier sur l'article sur Françoise Hardy elle-même. Avant ça, nous avons eu Max Berlin ou Max Berlin, elle et moi, sur Tiger Sushi Present More GDM, qui est un truc paru en 2002. Max Berlin, qui est un Max Berlin, qui est un DJ français qui s'appelle Jean-Pierre Céron. Puis elle et moi, ben, c'est son tube. C'est sa chanson. Ouais, c'est ça, ça vient d'une compilation des années 70. Puis c'est ça, c'est un truc qui a été assez populaire, elle et moi, quand même. Et avec quoi avons-nous commencé le. Non, pas de commencer, c'est vrai, on est passé par Manfred Hubler et Siegfried Schwab, qui nous faisaient Vampiros Lesbos Sexadelic Dance Party, sur un album une bande originale du film de 95, la pièce Necronomania. Puis eux sont assez drôles aussi, nos amis, qui s'appelaient, en fait, s'appelaient comme Vampire Sound Incorporation. Puis ils sont deux musiciens. En fait, c'est ça, je suis en train de chercher. Max Hubler, c'est un multi-instrumentiste, et Sig Schwab aussi, en fait, c'est un type qui joue plein de guitares de toutes sortes. Puis ils ont fait partie de Schwab, ils ont fait partie de etc., Embryo, toutes sortes de trucs. Puis ils ont fait Psychedelic Dance Party et Sexadelic en tout. Mais ils ont changé de nom, on dit. Une petite confusion là-dedans. Et nous avons commencé avec un groupe montréalais, Trafic d'influence, sur l'album Lipsing de 1986, J'ai besoin de toi. Puis c'était très chouette, ça. Aussi, on les aime, eux. Mais c'est pas extrêmement connu. Il y a quelques groupes montréalais comme ça, un petit peu obscurs, qui sont apparus dans les années 80, à une époque où il se faisait beaucoup de choses. Alors, c'est pas tout qui ressortait. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer notre émission? Du country? De la musique western? OK. Under the fan. I never worked a day in my natural life, 'cause I'm a guitar man. All the chicks are crazy about me, yeah. I got them eating out of my hand. It ain't 'cause I'm good looking or I drive a big car, it's 'cause I'm a guitar man. Sometimes I get worked up and play like this. got cash that I ain't spending. I own about all the land. I got everything the easy, easy way, just to being a guitar man. Warm truck stop, playing the pinball machine, when you reached and took from your wallet your folder of Polaroid shots. You said, "Hey, Billy, come look, she's the prettiest peach in the pill." When I looked at your Polaroid spread shot, Lord, Lord, it was my wife. Polaroid spread shot. Polaroid spread shot. Oh, the trees weep in the bending wind. I was crying in Jimmy's warm truck stop. I couldn't hold the teardrops splashing down. When I saw my beautiful Betty sitting naked in your hand, and then I reached into my wallet and I pulled out my own private stock of Polaroid spread shots by the hundreds, and I flipped one into your hand. It was your wife that I showed you naked at the Maple Court Lodge. Oh, ain't life funny? Polaroid spread shot. Polaroid spread shot. Oh, the trees weep in the bending. Thank you. get going, Eck. Get satisfied soon. I'm a mean old hombre from a border town. Woke up the sheriff and gunned him down. Dance, critters, when I say dance. Dance, critters! Dance, critters! I've been eating sand and cactus pie. Well, I'm telling you, a fella gets mighty dry. Six guns loaded, point it down. You best keep your feet up off the ground. Dance, critters, when I say dance. Dance, critters, dance, critters. It was a town full of violent men and bad women. Nobody had a heart of gold. Justice was unheard of and mercy was rarer still. In a corner of the bar room, some musicians played rowdy dancehall jive. The piano was shaped like a coffin. The banjo was made from two pie tins and baling wire. I said, hey, I've got one like that at home. Even with all the noise, I could hear her spurs jangling down the street. Like altar bells, they sounded, and I struck my breast three times. She'd been gone a while, since I don't remember when. I spent a year in Echo Canyon, she said, just me and my tambourine. The music stopped, and then it started again. That is when the dance hall storm began. Dance, critters, when I say dance. Dance, critters, dance, critters. Well, me and old Andre, the Indian guide, we got three stuffed kittens and a buffalo hide. Move them out. When I say dance, you're gonna shout dance. Ah! Dance. Oh! Dance. Ah! Dance. Ah! Dance, critters. When I say dance. Dance, critters. Dance, critters. Came to the city and everyone thought it was an awful damn pity. She never knew love, she knew an awful lot about hate. Some people said as the girl got older, some folks said she just got colder. Everyone shrugged their shoulders, called it fate. Oh well, it's too damn bad, nobody loved her. Nobody ever cared the way they should. Too damn bad what they made of her. She's too damn bad for her own good. Well, all too soon she was on alone, much too young, on alone, all herself, had to make her way. Started out right, but before too long, wrong was right, and right was wrong, good was bad, she had the devil to pay. Oh, well, it's too damn bad, nobody loved her. Nobody ever cared the way they should. Oh, it's too damn bad what they made of her. Now she's too damn bad for her own good. We'll be right back. All the terrible things of a terrible life, all the dope and the booze and a razor sharp knife, all came together on a terrible night of crime. Some people knew who should share the blame. The judge knew too, it's all the same, 'cause he said forever. And forever is a long, long time. Oh well, it's too damn bad. Nobody loved her. Nobody ever cared the way they should. Too damn bad what they made of her, 'cause she's too damn bad for her own good. Too damn bad for her own good. Too damn bad for her own good. Too damn bad for her own good. One and two and three and four and... C'est comme ça que ça se termine pour les échangeurs d'air aujourd'hui. Benoît Arcaille, pour faire Terre et Vague. Comment ça s'est terminé? Le dernier bloc, a commencé avec Guitar Man, une pièce de Al Casey qui nous faisait Fool sur une compilation qui s'appelle Fools, Rebel Rousers and Girls of Death Row de Lee Hazlewood Story. Des trucs de 55 à 1962. Ce sont des trucs produits par Lee Hazlewood. Et parfois composés aussi, me dit Jean-Philippe. Al Casey, c'est un type qui a travaillé beaucoup en studio, qui a fait partie, entre autres, de l'orchestre du Dean Martin Show. Il a travaillé avec quelques personnes un peu connues, les Beach Boys, Elvis Presley, The Monkees, Johnny Cash, Simon & Garfunkel, The Fifth Dimension, Frank Sinatra, Nancy Sinatra. Vous voyez un peu le genre de type qui était assez qui était assez demandé en studio. Il a fait partie de quelques groupes, mais j'ai l'impression que sa carrière s'est beaucoup passée en studio. Charlie Feathers nous a fait « We're getting closer to being apart » sur « Honky Tonk Man ». Un type qui aurait pu faire une partie de la carrière d'Elvis Presley, qui est arrivé un peu en même temps que lui, mais qui a pris une voix un peu autre, puis qui a fait de très bons trucs. D'ailleurs, pour revenir à Al Casey, il était dans le rockabilly aussi. Et Charlie Feathers, ben, Charlie Feathers, comment on pourrait l'associer? Music country, rockabilly, rock'n'roll country. Puis il en a mis régulièrement, puis c'est très bon, Charlie Feathers. On aime ça. On aime ça dans le genre. Ed Sanders nous faisait The Maple Court Tragedy sur Sanders Truck Stop de 69. Lui aussi, c'est un habitué de l'émission. Poète, romancier, chanteur, puis c'est activiste. Disons-le, activiste. Puis qui a fondé le groupe The Fogs aussi. Country Teasers, nous faisait Deliverance from Misrule sur Destroy All Human Life de 1999. Country Teasers, c'est un groupe britannique qui joue dans différents univers, du garage, du country, du rap, et même post-punk, comme me dit Jean-Philippe aussi. En prononçant bien post-punk. C'est très important de ne pas prononcer post-punk tout à fait correctement, en disant plutôt post-punk. The Kropotkins suivait avec Parchman Farm sur The Kropotkins de 1996. The Kropotkins, qui est un groupe qui est basé d'abord sur Jonathan Cain et Dave Soldier, dans lequel il y a eu Mo Tucker, Lorette Velvet, Mark Feldman, Charlie Burnham, puis ils ont pris le nom d'un anarchiste russe, Peter Kropotkin. Je suis pas sûr que Mo Tucker, maintenant qu'il fait plutôt partie du Tea Party, reprendrait un nom d'anarchiste russe pour un groupe. The Colorblind James Experience nous faisait Dance Critter sur The Colorblind James Experience, qui est un groupe de San Francisco qui a déménagé à Rochester, qui est revenu à Oswego, qui est retourné à Rochester, puis ont été actifs de 78 à 81 quand un des membres est décédé. On dit polka, country, cocktail jazz, blues, rockabilly, Tex-Mex, rock and roll. Voilà, ça résume bien ce qu'il faisait. Eugene Chadbourne, j'aime beaucoup Eugene Chadbourne. C'est difficile de se retrouver dans sa discographie parce qu'il y a quelques centaines de disques. Ça vient de Jesse Helms, Busted with Pornography, de CNW Opera by Eugene Chadbourne de 96, et la pièce Too Damn Bad. Et nous avons terminé avec Pachinko, c'est une pièce de D.M. Bob et Country Jam. L'album s'appelle Bomb Steer de 2005, puis on trouve pas une tonne d'informations. Ils ont l'air un peu rigolos, tout de même. Ils ont des invités. Il y a Silky What's Love qui joue du trombone et Jacobus qui joue de la slide guitar. Bomb Steer, en fait, eux ils s'appellent comment donc? Les deux gars, D.M. Bob, c'est ça, et Country Jam, puis on sait pas leur vrai nom. Je suis certain que c'est pas leur vrai nom. Je sais pas. Jean-Philippe aussi a l'impression que c'est possiblement pas leur vrai nom. Juste pour revenir à Eugene Chadbourne, on le voit sur Wikipédia avec un banjo, mais il joue aussi du râteau. Il s'est construit un râteau électrique, qui est quand même quelque chose de très intéressant, de râteau électrique. Puis il joue de la guitare. Lui aussi, il a joué avec un paquet de monde, John Zorn, Fred Frith, etc., etc. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, moi, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est de se dire à la semaine prochaine.